Le soir, on marche vite en cours, sans un seul regard alentour, sur les modernes paysages de la grande cité sans âge. On croit la connaître, on a tort, n'est-elle plus pour nous qu'un décor? Loup et forêt noire de nos cauchemars. L'espoir et la peur ont pris cette ville, et vite son cœur bondit en revenir. Dessous la terre on tira la pierre, et dans la poussière on en prit les murs. La vie serait sûre. Partout sur terre, on vit à couler, les nobles vainqueurs et les gens dressés, avec le talent et une connaissance, le travail des hommes, aussi leur souffrance. La vie de grandir. Plus vite et plus loin, tu l'es du beau. Ils ont des rues ici, puis reconstruisent. Après, et peut-être, tu rêves partout. Les peurs toujours là. Bon, ça n'a pas été. Mais pourquoi alors cette peur qui le soir affole nos cœurs? Bien notre monstre est parmi nous, peut-être pire que le loup. Il n'a pas de nom et pas d'âme. Nos lumières l'ont réveillé. Arrive-t-il dans le voyage? Ce monstre froid et sans visage, où était-il là le premier?